Pardon, monsieur, est-ce qu'il y a un magasin d'informatique dans le quartier ? Ah oui, je le connais. Alors, prenez la rue en face, puis la deuxième. Ah non, pardon, la troisième à gauche. Alors là, vous allez arriver à une petite place. Vous traversez la place. Vous tournez à droite et le magasin est juste là. J'ai oublié le nom de la rue, mais elle est très animée et très commerçante. C'est facile à trouver. C'est loin d'ici ? Oh non, c'est tout près. C'est à 5 minutes à pied.